Nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et sœurs dans différents endroits. Tous ceux qui nous suivent, moi et Mtandao. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout pour ne pas perdre le temps. Nous lirons dans le livre de tous les jours. Isaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On dit à parler jusqu'à pas 8. Nous commençons au premier verset jusqu'au 8e. Moi quand on fouille mon repos usia, na mon enkambo kasha shikata pa kipona kyanji. Kyadi peuru ruine ne kisanzi kyo avuere kya kumene monso munzu. Baserafima ba imene peuru yense wadina mapapi mukaka. Pameso wibutire po abiji, kumauru nako wibutire ko abiji. Niyabiji makwabo obaje kutumbukirako. Wadikwira kijabene nebene kashaba bijikijamba. Warwafyo, warwafyo, warwafyo inkambo wa mavita. Tanda yonso ya yura rukumo rwanje. Mapanda abibero ke atenta kwa mauyo baje kubijikija ne munzu wo yaresa mwayugire bwishi. Ponka pokenda kiamba mawe amimuranda nafwa. Pantu nji muntu wa miromo mibi ne bantu bonji karamo ibonka ba miromo mibi. Mwanda namo na mwine mropwe kambo wa mavita. Ponka po serafima umo watumbukira konaji, wajinajika raja mujiro mkubo kukwanji joapu ile na kimanto kumazabau. Ujipishishe pakanu wakami, wanda kamba, wamuna jino jika raja pitapa miromo yobe, jino mianda yobe yapwa, bubi bobe watoke jiwa. Ebiya na mvune jiwi jankambo amba, kamba iyani etusa kutuma asuwe kuya. Aminaro ndoro kamba ami unomwane bantume. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Umwaka ya lufu ya mfalme Uzia, niliona bwana mwenye kuya pakiti ya enzi chake cha juu sana. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na upindo wa vazi yake iliyala nyumba yote. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Na maserafima ilikala yulu yake. Ils avaient chacun six ailes. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Deux dont il se couvrait la face. Mbili alikuwa anafunika macho. Deux dont il se couvrait les pieds. Nambiri baranza kufunika mikulu. Et dont deux se servaient pour voler. Nambiri ngine baranza kubasaidia kwa kuluka. Ils criaient l'un à l'autre et disaient. Baranza kulalamikiana moja na mwingine na kusema. Saint, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni Bwana wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote na yala na utukufu wake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Milango ilianza kutetemeka kubizingiti kupitia ile masauti balikuwa nalalamika. Et la maison se remplit de fumée. Na nyumba iliala na shimoko. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Pale pale nikasema ole wangu mimi napotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sababu niko mtu wa milomo mubaya. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Na niko naishi na bantu ba milomo mubaya. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Na macho yangu leo naona mfalme Bwana wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Lakini serafima moya akanilukia. Tenant à la main une pierre ardente. Mwenye kuya na ribwe ya moto. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a ritocha kumazabawi na kiuma. Il en toucha ma bouche et dit. Akagusa kinwa changu na kusema. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité t'enlevé et ton péché t'expié. Hii inagusa kinwa chako. Hii inagusa milomo yako, maovu yako inaondolewa na dhambi yako inasamewa. J'entendis la voix du Seigneur disant. Nikashikia sauti ya Bwana ikasema. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ni nani tutatuma na ni nani ataenda juu yetu? Je répondis, me voici, envoie-moi. Nikajibu, mimi ni hapa, banitume. Amen. Tawala maisha yangu. Yesu tawala. Tawala. Yesu tawala maisha yangu. mbingu na dunia. Père Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mangaribia leo tena tunasema asante na mioyo yetu yote. Ce soir, nous te disons encore merci avec tout notre cœur. Juu ya mambo mnene na kazi mnene kunatumika yule wa maisha yetu. Pour l'œuvre grandiose que tu accomplis sur notre vie. Asante Bwana juu ya kazi ya msalaba. Merci pour l'œuvre du calvaire. C'est ce qui nous fait que nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Au travers de cette œuvre, le monde est sorti dans notre vie. Nous te remercions pour les grandes choses que tu fais sur nous. Pour la vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Il y a de nombreux qui se sont réveillés comme nous. Mais à ce moment, ils sont malades, manquant même de boire de l'eau. Certains se sont réveillés comme nous. Arrivés en ce temps, ils ont perdu même certains membres de leur corps. Si nous sommes en bonne santé, nous glorifions ton nom. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur, avec nos cœurs brisés. Nous aimons que tu puisses nous aider. Nous croyons que en dehors de toi, il n'y a pas le pardon de péché. C'est auprès de toi que nous trouvons le pardon de nos péchés. C'est pourquoi, après avoir arrivé dans ta présence, nous aimons que tu puisses nous parler ce que toi tu veux et que nous soyons ce que toi tu veux que nous puissions être. Bénis tous les saints dans cette église. Et tous les saints qui nous suivent au moyen de l'internet. Et bénis le travail d'aujourd'hui. Bénis le berger de cette église. Nous savons combien de temps le diable dérange sa vie. Guéris-le, notre Dieu, et de lui ajouter encore des jours. Bénis tous les serviteurs dans cette maison, les chemins, administrateurs, les amis, les trésoriers, les chungas, les choristes, tous ceux qui font l'œuvre dans ta maison, bénis-les. Et bénis toute l'église. Parce que dans ton église, il n'y a pas de chômeurs. Tous sont tes enfants et de tes serviteurs. Sois avec nous du début de ce culte et à la fin aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le nom du Seigneur soit loué. Tunaendelea. Nous continuons de parler à l'église sur le même sujet. Il dit dans sa présence. Beaucoup de jours nous lisons ce livre. Nous voyons quand Isaïe est entré dans la présence de Dieu. C'est là où il a découvert ses erreurs, ses fautes. Et de voir que ses lèvres étaient impures. Et dans les derniers jours, nous avons dit, nous aussi aujourd'hui, après être arrivés dans la parole de Dieu, automatiquement nous sommes dans la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse nous assister, ça demande que chacun de nous voie comme Isaïe a vu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur, c'est là où nous y sortons avec des changements véritables. Dans la présence du Seigneur, c'est dans un miroir où nous voyons tous les faux de notre vie. Dans la présence du Seigneur, c'est le lieu où les enfants de Dieu sont nés. Dans la présence du Seigneur, si un homme y est entré, Dieu l'aide conformément à sa disposition. Il y a ceux qui entrent avec des blagues, ils y sortent étant condamnés. Et hier, l'Esprit de Dieu nous a aidés. Il a dit, dans la présence du Seigneur, ce n'est pas un lieu où il faut venir jouer. C'est pourquoi le livre de Mubiri 5 qui nous dit ça. Je crois maintenant Ecclésiaste chapitre 5. Kirisema. Ça dit. Fwanyangalisho wakati kunenda kunyumba ya Bwana. Prends garde à ton pied lorsque tu vas dans la maison du Seigneur. Ukwe wakushikia mzuri msemeo wa Mungu. Que ça soit pour écouter la parole de Dieu. Joile ndio inapita na sadaka ya mapumbafu. Parce que cela est plus grand que les sacrifices des insensés. Na sheya hapa tukumwepo wa Bwana. Et nous aussi nous sommes dans la présence du Seigneur. Hier, l'Esprit de Dieu nous a aidé en disant, comme les mères, les femmes vont dans la maternité, il n'y a aucune femme qui aille là-bas pour aller jouer. Et nous aussi, Mwepo Abwana, Mule tuku na zarika tunakuwa batoto ba Mungu. C'est là où nous sommes nés et devenus les enfants de Dieu. Mule tuku na tosha butoto wa Mungu wa byakwe. C'est là où nous montrons le véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas un lieu où il faut mettre des jeux. Mais kama unakuwa na michezo. Mais si tu y viens avec des blagues, utapata hukumu. Tu auras une condamnation. Muwepo wa Bwana. Dans la présence du Seigneur. Hakuna ule naweza kutoka mpaka vile alingia. Il n'y a personne qui peut y sortir tel qu'il est entré. Mbili tuku na kwa kufuata umu muwepo wa Bwana. Il y a deux choses que nous venons suivre dans la présence du Seigneur. Soit bujima. Ao la vie. Ao luf. Ou la mort. Alléluia. Amen. Paka hivi baseri banaendaka kuzala. Comme les sœurs vont s'accoucher. Akuika lake dada ule anaendaka ku technique. Il n'y a pas une sœur qui va à la technique. Anarudia kutana na mimba yake. Et qu'elle rentre avec sa grossesse. Non. Si elle se va là-bas, soit elle trouve un enfant vivant, na yemo ya kutoka mu mujima, elle aussi elle sort vivante. Kama ashifote muzuri vile ba munganga biko namwambia, elle ne suit pas correctement ses messages. Elle peut même perdre l'enfant. Ashifote kurudia mu vile yari. Elle ne peut pas retourner comme elle était entrée. C'est comme ça que nous sommes aussi dans la présence de Dieu. Luc chapitre 18. Luka 18. Lis chapitre 18 verset 9. Luka 18 sur mstari 10. Mstari 9. Kabiji waererekishi mikijo kingi ku bantu bamo bakwiketekera bene ambayi bororoke ne kusura bakwabo. Warakiriamba bantu babiji bakanjire panzu boyaresa kukarombera. Umoyi mufarisayo ne mukwabo yimusonkeshi. Mufarisayo waimene kuromba mu waimene karomba mu mutima wanje aye mwine amba oberesa na kusantira byoke nshinji pamuna bantu banji batupondo ne bakubipa ne babukende kabijinki ji pamuna umusonkeshi yetu ayia nanji aminjikirwa nanzara jibiji mu murungumo kabiji pana bya ji 10 pabyonso byomona ajaye musonkeshi waimene bitukura ampe keshi wasakire na chakwinu na meso wanji muyuru wajikuipu mamuchaji kara keamba obere sambelele rusa amiwa bubi nemibura awa muntu akabwelele kwanji mubinge ajimu farisaya yeyo pantu yese wakwitumbika mwine ukafuara miwa ajiwa kwikefya ukatumbiko. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Akasema tena ifumbo juu ya bantu bengine, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Bale beko na jiwazia kuya benye haki na kusula benjabo. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Anasema bantu bawili balienda mu nyumba ya Mungu juu ya kuomba. L'un était pharisien et l'autre publicain. Moya alikuwa ni mfarisayo, mwingine ni mtoza kodi. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mufarisayo alishimama anaanza kuomba muina muna ya hivi. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Bwana mina kushukuru jumishi na sabantu bote ababeko abantu bote aba qui sont ravisseurs, injustes, ba muiji banyanganyi bantu baya bashipo kunyoloka, adultère ou même comme ce publicain. Bacharati atapa mwana huyu nduku tunakuwa naye hapa. Je jeûne deux fois la semaine. Lakini mie niko na jeûne mara mbili mujuma moja. Je donne la dîme de tous mes revenus. Niko na toa chekumi yangu mu bintu byote bile niko napata. Le publicain se tenant à distance. Sasa mtoza kodi alishimama tumbari. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Asikuweza hata kunyangula sura yake yulu. Mais il se frappait la poitrine en disant. Aranza kulipika mukilare ko nasema. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mungu nisamee ko mie mtenda nzambi. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Nina miambia kusema huyu ule alitambua mabaya yake alitoka mu nyumba ya Mungu mwenye kuhesabiwa haki. Plutôt que l'autre. Kupita mwingine. Car quiconque s'élève sera abaissé. Sababu mtu wote wakujipandisha atashushwa. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Na wakujishushwa atapandishwa. Amen. Amen. Frère. Nduku. Kama tunakuwa na ile hali ya kwanza kuona bubaya paka kubenjetu. Si nous avons cet état de voir seulement les fausses chez autrui. Ni preuve ya kusema tunafika muwepo wa Bwana mwali mubaya. C'est le signe que nous sommes arrivés dans la présence de Dieu de la mauvaise façon. Mais kama tunafika muwepo wa Bwana mwali mzuri. Mais si nous arrivons dans la présence de Dieu dans un bon état. Tutatambua mabaya yetu. Nous découvrirons nos erreurs. Tutajiona bantu batini sana. Nous verrons des gens plus mwile na mwana tutapata msamaha mbele ya Mungu. C'est en ce temps-là que nous aurons de la grâce devant Dieu. Ndugu yangu mpendwa. Mon frère bien-aimé. Ma sœur bien-aimée, je te supplie au nom de Jésus-Christ. Tous les frères dans la Bible, ils sont arrivés dans la présence de Dieu avec un cœur brisé. Leur cœur était demeuré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Présence à Mungu, on doit présenter parce qu'on va tout comme ça. Moi, pour Mungu, nous ne pouvons pas présenter cela quand nous sommes seulement dans l'église. Dans la présence à Mungu, tout vide. Dans la présence de Dieu, nous trouvons des gens de néant. C'est ce que Dieu aime. Pour que Dieu puisse nous donner sa vie. Et il demande que nous soyons des vases vides. Profeta na tusaidia. Le prophète nous aide. Mwima ubiri yake ya la force parfaite. Dans sa prédication Iman Kamilifu. Mu paragraphe 340. Nukta miatatu makumine. Anasema. Il dit ceci. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Joge kina faileo. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des vases vides. Amen. Amen. Même si tu donnes ta dîme tout le temps, même si tu fais 10 heures de prière, c'est bien. Mais cela ne t'aide pas à aller mépriser les autres. Même si tu es dans n'importe quel état où tu te mets, si tu arrives dans la présence de Dieu, mon frère, tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu verras que toi, tu n'as encore rien fait. Ce sont des vases vides. Dieu ne peut pas vous utiliser aussi longtemps que vous êtes déjà rempli. Si vous êtes plein de formations théologiques, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu doit avoir des vases vides pour pouvoir les remplir. Nous devons nous reconnaître dans sa présence que nous n'avons rien. Que nous n'avons encore rien fait. C'est alors que nous allons demander à Dieu de nous aider. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu sura kya saba. Verset 1. Fika kwa kuya tano. Kupima biubiro bya bakwenu kutina neno bakapima byenu pantu byonka byomfwitikija bakwenu sanga neno byonka byomka fwitikijiwa kabiji bakemi pimina ronka rupimo romwa pimina ko bakwenu mwanda ka utaraka kisonuka dimujiso jobe mwanda ka utaraka kisonuka dimujiso jamukwenu ne kumona kimwamba kidimujiso jobe obe mwine yo ukonja byepi kula kamwanenu ambare kankufumye ka kisono mujiso Mudiso Jove. Akuobe mwine kenshi umona kimwamba kiti mudiso Jove obe mwine. Obe mudimbi jimbi. Ukifumye kimwamba kiti mudiso Jove. Sanga ukatara viya. Pakufumye kakisono kati mudiso jamukwe. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Vous ne soyez point jugés. Mushukumu juna mwe mushika ukumiwe. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez les... Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille? Namuna kani unaweza kumwambia ndugu yako kusema acha mimi nikutoshe kale kariani kiko paricho. De ton œil. Kaparicho yako. Toi qui as une poutre dans le tien. Ile sawa mwenyewe yaona bado kimwamba kile kiko muricho yako. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Wewe mudanganifu kwanza mbele tosha kile kimwamba kiko muricho yako. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ndio taona namuna kani mzuri ya kutosha kale kariani kinyi kwa paricho ya mwenzako. Amen. Amen. Hier, l'Esprit de Dieu nous a aidé à dire Dieu parle à nous tous comme c'est tout le monde qui va être sauvé, mais lui-même il sait ça. Et si Dieu descendait qu'il parlait à son église, chacun de nous doit reconnaître que Dieu parle à moi seulement. Même si nous sommes nombreux plus que maintenant, mais si Dieu descend, il parle à chacun individuellement. Et celui qui va trouver de l'assistance dans la présence de Dieu, c'est celui qui va écouter que Dieu me parle. Même si tu connais les faiblesses de ton prochain, mais si toi tu arrives dans la présence de Dieu, tu vas entendre tes fautes. C'est ce qui va te donner un cœur brisé et ça va t'amener à la repentance. Mais si tu ne vois pas tes fautes et tes erreurs, tu seras repenti, ça sera très loin de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide beaucoup. Le frère Branham continue de nous donner les conseils. Il dit, mon octave qui est dans sa présence. Mouepouaki. Je le recommande à chaque personne épuisée. Je le recommande à vous qui n'avez pas d'espoir. Vous qui n'avez jamais été dans sa présence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser vos péchés et de comprendre que vous avez tort. Et ce soir, Dieu a ordonné à cet ange appelé le Saint-Esprit d'ôter vos péchés. Alors vous crierez, « Oh Seigneur, me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Il y a certains frères qui vont prêcher parce qu'ils ont étudié. Parce que je sais lire bien le français. Moi aussi je vais prêcher. Ce n'est pas cela, frère. Travailler pour Dieu dans n'importe quelle œuvre. Ça commence avec celui-là que Dieu s'est rencontré avec lui. Dieu l'envoie. Si tu t'envoies toi-même, tu feras des dégâts. Et puis nous devons connaître le péché pèse beaucoup. Pour que le péché tombe, il faut que tu te rencontres avec Dieu face à face. Le péché ne peut pas t'abandonner parce que tu connais les histoires des églises. Si on veut citer l'histoire de l'église de Kambo, toi tu connais clairement l'histoire. L'histoire de l'église de Kambo, tu connais tout ça. Ça n'a pas de sens si tu n'étais pas encore en contact avec Dieu. Ça ne peut pas t'aider en rien. Même si c'est toi qui es apôtre de toutes les églises de Kongo, mais si tu n'étais pas encore en contact avec Dieu face à face, il est yoté ni boule. Ce qui est important, c'est que Dieu nous demande. Le christianisme véritable, c'est l'homme qui se rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Na mungu, si un homme se rencontre avec Dieu, yote, yake, il demeure tous les jours de sa vie en ressentant la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous y trouvons l'amertume que nous ne pouvons pas oublier. Nous y trouvons l'amertume qui nous a ôté du péché, que nous ne pouvons pas oublier. Le jour où Dieu se rencontre avec toi, c'est un grand jour que tu ne peux pas oublier. C'est comme je vous ai dit l'exemple des sœurs. Quand ils ont de la tristesse en allant à la maternité, et ça lui laisse même la tâche de voir quand son fils était né. Même si l'enfant s'est trompé, moi je suis de 79. Il dit non, toi tu es de 80. Elle connaît l'année où elle a trouvé l'amertume dans son cœur. Amen. Elle ne peut pas oublier. Amen. Que Dieu nous aide. Si un homme arrivait dans la présence de Dieu, il n'aura pas la chrétienté des jours. Dimanche, le chrétien va bien. Le dimanche, c'est un bon chrétien. Lundi, il l'oublie. Non. Et comme présence à Mungu, tous les jours de sa vie. Il est moué pour Mungu tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Prophète Anindelea. Le prophète continue. Anasema. Il dit. Mon 94e paragraphe. Mais je vais parler un peu de moi-même. Où est-ce qu'il pouvait être plus bas que moi? Où est-ce que j'étais? Je viens d'une famille de soulards. Je viens d'une famille de maîtriers. Je viens d'une famille de contrebandiers d'alcool. Et vous savez cela. Chacun de vous le sait. Vous savez quel genre de réputation nous avions ici. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. Quand j'allais en ville et que je me mettais à en parler à quelqu'un, on refusait de me parler. À moins qu'il y ait personne dans les environs, alors on me parlait. Quelqu'un d'autre, s'il vient, la personne me quittait. Et je serai là et pleurer. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a changé et a fait de moi un autre genre de fils. Sa grâce m'a introduit dans sa présence. Je n'ai jamais voulu en sortir. Maintenant, je suis là depuis 30 ans et quelques. Je ne vais pas en sortir. J'ai l'assurance que je serai toujours là. Même la mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. Même frère Branham, il est entré dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait. Il témoigne cela. Si un homme entre dans la présence de Dieu, même la mort ne peut pas le séparer de la volonté de Dieu. Cet homme, il voit la volonté de Dieu dans tous les problèmes qu'il atteint. Il voit de la manière différente de tout ce que les gens voient. Il devient comme fou aux gens devant les gens de ce monde. Et il marche différemment de sa mère. Et il marche différemment des gens. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Le véritable enfant de Dieu, n'a pas une chrétienté à Mouda. Comme c'est le temps de chants, tu arrêtes de venir à l'église. Et l'écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu vas loin de la parole de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Amen. J'ai dit à vos frères, la vie de Dieu, mes frères, c'est la vie où on l'apprend. Mais la vie du monde de Dieu, c'est la vie de Dieu. Pour que Dieu puisse nous aider, ça demande que nous venions tout le temps à la parole de Dieu. C'est alors que Dieu va gagner notre vie. C'est comme dans ce corps. Mais bien-aimés frères, le péché c'est un poison. Le péché que nous avons vomi dans ce monde, c'est un poison. Ce n'est pas quelque chose à jouer. Dans ce monde, si un homme se range dans un régime, il se met une discipline pour manger afin qu'il puisse grossir, il boit du lait, il prend du blé blanc. Il ne va pas grossir le même jour. C'est après des jours, après des jours. Mais sa santé commence à se voir. Ça peut passer même un mois. Même deux mois. Et les gens commencent à s'étonner. Tu es grossi. Si un homme se mettait le régime des acides, je ne sais pas comment il va faire combien de jours. Le jour il va utiliser l'acide, il ne sera plus. C'est nous Dieu construit sa vie. Si nous touchons au péché, nous mourons le même jour. La femme de l'autre n'a pas regardé derrière deux fois ou trois fois. La condition de Dieu leur avait dit, ne regardez pas en arrière. Elle voyait que la parole de Dieu c'était de la blague. Elle a vu des gens au lieu de voir Dieu. Quand elle a essayé de regarder en arrière, la femme doit être pervertie. Je ne sais même pas si on a écrit quelque part. On a écrit seulement la femme de l'autre. Mais ses parents lui avaient donné un nom. Chez les autres ne l'appelaient pas la femme de l'autre. On ne joue pas avec Dieu. Le Dieu avec qui nous avons nos frères n'a jamais eu de petits fils depuis qu'il a commencé à engendrer. Il n'a seulement que des enfants. Et il respecte ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Si tu commences à jouer avec la parole de Dieu, il va te rejeter. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas un endroit où il faut jouer. Si nous y entrons, nous y sortons des gens nouveau-nés. Conformément à l'état de notre esprit. Conformément à la disposition de nos cœurs. Psaume chapitre 1. Dans Psaume Zaburi, surat ya kwanza. Psaume chapitre 1. Zaburi, surat ya kwanza. Verset chapitre 1 jusqu'à 6. Iwa rusekero au wakubura kuenda muaira mafunde ya babi. Wakubura kuimana mu mashinda ababubi. Nasha kushikata pamuna bakapumi. Watemwa mikambijo yankambo katene bufukura nguru kama funde yanji. Ukekarabu akiti cha jimbwa kumema kipanga bipangwa byacho pakimye cyabyo. Nemabura acyo kensha fumba. Ati babi kabati yabi. Badibu wafumba ipepulwa na rufura. Kurenga babi keshiba kabinge mukije. Nebabu keshiba katanwe mukipu ilo jaboro roke. Pantun kambu wayuka jishi nda jaboro roke. Adi jishi nda jababi jikona ika. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Eri ni ya mtu la achitembelete na mumashauri ya baovu. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ashishimame mumanjia ya batenda zambi. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ashikalake pamoya na bakuchekeleya. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Eko napata furaha msheria ya Bwana. Et qui la médite jour et nuit. Eko naichunguza neno ya Bwana bushiku na yua. Il est Amen. Comme, amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Eko sawa ni muti ile na pandwa pembeni ya mutoni ya mai. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ile kuna toma tunda yake mwakati yayo na mayani yake haiwezi kufubala. Tout ce qu'il fait lui réussit. Biota naweza kufanya bitendeka. Il n'en est pas ainsi des méchants. Mais aina hivi kubatenda zambi kubaovu. Comme la paille que le vent dissipe. Bobe ko sawa ni makapi kuna pepushwa na mpepo. Branham ni Mungu. Amen. Branham ni Mungu. Amen. Amen. Et ton est révélé. Amen. Quelle est votre position? Si atu na vile hapa. Nous ne sommes pas comme ça. Si atu na makapi. Nous ne sommes pas comme des. Wa kuamini amini tu bintu byote. Qui croit n'importe quoi. Mama mpepo mama fundisho inakuwa wewe unayambrasse. Les vents des enseignements arrivent toi tu les embrasses. Non. Tu as pas voir pas. Nous ne sommes pas. Tu connais chunguza pa neno ya Mungu bushiku na yo. Nous observons sur la parole de Dieu nuit et jour. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Jo kwa mana baovu abatashimamaka kamwe mushiku ya hukumu. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Aho batenda zambi abatadumu mu kanisa batakatifu. Car l'Éternel connaît la voix des justes. Alléluia. Amen. Les pécheurs ne peuvent pas se tenir dans la maison de Dieu au milieu de l'assemblée des saints. Le frère Branham donne un exemple. Il y a un pécheur qui est allé prendre l'œil d'un aigle. Il est allé mettre ça dans le la poule a commencé à couvrir les yeux. Il y avait un œil d'un aigle. L'œil s'est éclos aussi. Les poussins marchaient avec les glons. Mais en voyant, ils sont différents. L'état de la poule pour chercher à manger. Mais chaque mois, un temps, il me pourrit à l'écoute. Un jour, l'aigle dans la boussole. Elle a compté ses yeux. Elle a vu que ses yeux, n'étaient pas complets. Il y a un œuf qui manque. Je ferai tout mon effort pour aller chercher. Comment est-ce que tu as quand l'aigle s'est souvenu, son aiglon était déjà éclos. L'aigle est monté sur les montagnes. Elle est allée chercher son aiglon. Elle est descendue dans les vallées pour chercher son aiglon. Arrivé un certain moment, elle est passée là où on élevait l'aiglon. Le cri de la maman aigle, c'était un appel. De dire où es-tu mon aiglon. Mais wakata nafijia pale pe kontai na bankuku. Kama leta rivela wa yabe. Mala laliko moya moya ya ntai kuita mtoto yake. Le même cri que le grand appelé son écho. Pour les poules, c'était un danger de mort. Amen. Amen. Wakati nkuku anashikia ile lalamiko. Quand la poule a entendu ce cri. Inampatia boga wa kukimbia. Ça lui a donné la peur de fuir. Mais kwa mtoto wa ntai hiyo. Et à l'aiglon lui. Inampatia position. Ça lui a donné une position. Ya kushikia mwito ya mama yake. Pour entendre le cri de sa maman. Na yana jibu. Eh, lui mama tafanya nini juu ni kwa kule wiko. Eh, que je viens. Anaanza kupata enseignement. Elle a commencé à trouver l'enseignement. Wakati ntai hauna nkuku hapana. Toi tu es un aiglon, tu n'es pas un poussin. Tawe kufanya nyolesha mabawa yako. Eh, tante te. Oui, peu pour les tinuko kote mikulu. Bate zegu. Elle comprend comprendre vraiment mama yake kuna sema. Elle comprenait ce que disait sa maman. Mama anaenda kufutama. Poussin était la cachette. Elle disait que les gens vont être mangés. Mais quand elle a reçu l'enseignement, attachée. Même nous. Nous étions dans le monde mélangé aux méchants. Mais quand le cri de la parole est venu, ça nous a donné une position. Mais pour les pécheurs, ça va les chasser d'ici. Frère Ndoukou. Même si nous devenons nombreux n'importe comment, Dieu a besoin des enfants qui se rencontrent avec nous. Si tu veux être compté parmi les enfants de Dieu, crie à Dieu qu'il puisse t'aider afin que vous puissiez vous rencontrer. Aussitôt, ta vie va changer. Et tu seras candidat pour l'enlèvement. Amen. Que Dieu nous aide. Dès ce moment-là, Tangier Wakati, Maubiri, fait des connaissances. Nous prenons un parle. Mon nom est cinquième paragraphe. Nous t'as ma comité sanatano. Page 16. Page qui est minacite. J'ai dit ce soir que si un homme veut recevoir un véritable changement, y'a quoi, mais comment monte on appelle n'aku pata mabadiri ko yabia kuiri? Qu'il vienne devant Dieu. A pas te kuyambele yamu. Amen. Amen. Kama kuko mtu anapenda kupata mabadiliko ya si ya un homme qui veut avoir un véritable changement, akuye kwa Mungu, qu'il vienne à Dieu. Et une fois qu'il le rencontre, na wakati tu na mubumba na kutana naye, il peut alors dire, anaweza sasa kusema, depuis lors, tangia ile wakati, de ce moment-là, tangia ile wakati, je suis devenu un homme changé. Mimi nakuya mtu mwenye kubadilika. Et je le sais par expérience. Na mimi nijua kupitia onjo. Amen. Amen. Kama mtu anapenda kupata mabadiliko ya biakwe. Si un homme veut avoir le véritable changement, qu'il vienne à Dieu. Na wakati atakutana na Mungu. Et quand il va se rencontrer avec Dieu, atasema tangia nilikutana na Mungu. Et il dira depuis que je me suis rencontré avec Dieu, je suis devenu un homme nouveau. Leo, ile Mungu anapenda kwetu. C'est que Dieu veut chez nous. Aina kuwina pa. Ce n'est pas être riche. Atatu na wina. Même si nous devenons riches. Atatu wine. Même si on ne devient pas riche. Même si nous avons des biens. Atatuna. Même si nous n'en avons pas. Kile Mungu anapenda kwetu. C'est que Dieu aime chez nous. Abantu bapia. C'est de rester des gens nouveaux. Bado mwateme kipindu pindu na dunia. Qui marche contrairement au monde. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mu Marc chapitre 10. Marco sura ya 10. Mina kusisi sana mtoto wa Mungu mwenjangu. Je te supplie enfant de Dieu mon ami. Kwa nyangalisho na mna kunenda muwepo wa Bwana. Faites attention dans la manière dont tu muwepo vas dans la kukubali bali njia amo. Dans la présence de Dieu il y a ceux qui sont entrés. Natoka na bujima. Ils sont sortis avec la vie. Bengine bali njia amo. Certains ils sont entrés. Natoka mna hukumu. Ils ont sorti avec la condamnation. Je. Toi tu es venu comment? Mangaribia leo. Ce soir. Kwa si Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide vraiment. Marc. Marco 10. Loata rui kerwendo mtumo wa mronda rubiro wafukama mukieni cyanji wa mwipujamba obe mufundishi kambangu bekika mwanda mpewe mwewo wanyeke Yesu amba mwanda ka untera buwa kuwama kutu muntu wa kuwama poso yenkaresi Ke wayuka mijiro yarese ke kutapana ke kubara bukende ke kuiba ke kura kabya bubera ke kudimbangana n'imyesho bene inobe ayamba mufundishi abibyonso nebirama kufumane kubwanike bwana Yesu pakumumona pakumutara wa kumutemwa wa murakamba wera waburwa kintu kimo yanga ukapoteje byonso byo dinavyo darama upane yokubaranda sanga ukekara na busambashi muyuru kabijipa kupwa kubabi usende musaraba obe uye unonde aye pakutereka abi kirungi cyafita waya nakafitwe pantu wadi musambashi wajina bintu bingi. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en genoux. Wakati Yesu alikuwa msafari, mtu mmoja alikimbilia kwake anakuya kutonga magoti mbele yake. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tafanya nini tu nipate kuriti ufalme wa milele? Jésus lui dit. Yesu akamwambia, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Kwa nini utaniita mwema? Kuna mwema moya tu ni Mungu yeye moya. Tu connais les commandements. Unajua amri. Tu ne commettras plus d'adultère. Ushisharatike. Tu ne tueras point. Ushiue. Tu ne déroberas point. Ushiibe. Tu ne diras point de faux témoignages. Ushiseme uongo. Tu ne feras du tort à personne. Ushidanganye muntu. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Il lui répondit. Ya nasema. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, wakati Yesu anamwangalia anamupenda kisha anamwambia, il te manque une chose, kuna kukosa kitu kimoi, va vend tout ce que tu as, wende ukaujishe bintu byako byote, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, uwele makuta upatie ba mashikini pale utakuya sasa na akiba munene sana mumbingu. Puis viens et suis-moi. Sasa kisha ukuye unifuate. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Kisha kushikia ile maneno ule kiana na uzunika sana. Car il avait de grands biens. Ndio kintu bantu ba mingi leo muinja ya imani beko nafanya nkosa. C'est cette chose qui est beaucoup de fond dans la marche de la foi. Ni mtu eko nenda mu presence ya Mungu. L'homme qui va dans la présence de Dieu. Na kupenda Mungu aseme vile yeye anapenda. Veut que Dieu puisse lui parler comme lui il veut. Apan? Non. Ceux qui viennent véritablement dans la présence de Dieu, ce sont des maquillages. Il veut que Dieu puisse parler de sa manière. Vous qui suivez la manière de parler de Dieu et qui reçoivent la vie. Mais ce jeune homme riche, il est venu chez Jésus pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a montré les voies à suivre pour qu'il aille vivre. Il a refusé. Il est sorti dans la présence de Dieu avec une condamnation. Il n'y est pas sorti avec rien. Si toi et moi nous voulons la vie de la vie de Jésus, laisse que Dieu nous parle comme il veut. Qu'il nous gronde sur notre vie mauvaise comme il veut. Et que nous puissions nous descendre. Que nous fassions ce que lui veut. Que nous observons ce que lui veut et nous aurons sa vie. Amen. Nous ne pouvons pas imposer Dieu. Je ne peux pas aller à l'église si elle est en train. Parce que mon sang n'est pas en communion avec lui, c'est grave. Tu as des prédicateurs que tu te recherches. Tu as des prédicateurs que tu choisis. Comment vas-tu changer, mon frère? Apana. Non. Nous qui sommes arrivés dans la présence de Dieu, nous voulons que Dieu nous parle de sa manière afin que nous puissions nous aligner dans les propos de Dieu. Maintenant, ce que Dieu nous demande ce soir, c'est de mettre Dieu dans ta vie et de ressentir la présence de Dieu face à tes paroles. C'est comme le conseil de Psaume nous a dit. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. C'est celui qui médite sur la voie de Dieu nuit et jour. Ba frère, mes frères Bandou, ba sœur, ba dad, ba ubiri, les prédicateurs. Nous avons beaucoup de temps de nous examiner nous-mêmes. Nous n'avons pas beaucoup de temps de connaître les histoires d'autrui. Nous avons beaucoup de temps de nous vérifier nous-mêmes tous les jours. Là, Dieu va nous aider. Mais si nous voulons connaître seulement l'histoire d'autrui, nous serons simplement des gens du tabernacle. Et le ciel sera très loin de nous. Que Dieu nous assiste vraiment. Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu, surat 15. Matthieu 15. Na Matayo 15 21 12 na 1 mstari yake. E Ebiya Yesu wafumine kwa akwa wayakunta ndaya tira na ya sidona. Kumona mwana mukaji mwina kana na wakuwaya ntanda. Wayakubi jikijaku Yesu amba. Mbele elu saa obenkamu mwana wa Davida. Mwana wami mwana mukaji udu na chibanda cha kwafya. Aji Yesu kenshi wa mrondo ruweke na shaka mo. Bana bandi babu wangaba mura kamba. Mupange mwanda wenda witu ronda ronda nekwenda kubi jikija. Yesu wa mura kamba. Aminatu minuwe bituku mikoko ya kweleka kuwe na isarera. Ati mwana mukaji wa ya wafuka mamucheni kianja bankambo nkwashe. Yesu wa mrondo rokamba. Kachifuwa nine kupoka bijo vya abana nekwelela tubwa. Ati haya ambamo mwonka nkambo. Inowela ne tubwa tutukuja hapo one vipo na kumeza ya bankambo wako. Yesu wa mrondo rokamba we mwana mukaji wita virorowe ilukata. Kikubi we mwonka mwosakira. Nekine mwonka mwaya nshita mwana wanju wapu yu. Amen. Alleluia. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Kisha Yesu kutoka kule alienda kuinchi ya Tiro na ya Sidoni. Et voici une femme cananéenne lui qui venait de ces contrées. Kuona mwanamke mkananea wa kutoka kule ngambo. Lui cria. Anza kumulalamikia. Eh, pitié de moi, Seigneur, fils de David. Unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mwana mtoto wangu mwanamke kumwenye kushikwa na mpepo. Il ne lui répondit pas un mot. Yesu anakatala kumudi. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Banafunze banamukaribia banamwambia. Et lui dirent avec insistance. Banamusisana. Renvoie-la car elle crie derrière nous. Kumwambia sema Bwana Yesu fukusha huyu mwanamke jokoenda kuleta makelele mkongo yetu. Il répondit, je n'ai été envoyé que. Yesu anamudi mule mwanamke asema michi kukuye ku mataifa yote. Mie nilitumwa tu mu nyumba ya Israeli juu ya kukusanisha kondolo yenye kuzambalala. Mais elle vient se prosterner devant lui disant Seigneur, mwanamke anakuya kuinama mbele yake na kusema Seigneur, secours-moi. Bwana unisaidie. Il répondit. Anamujibu tena. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. Nzuri kubeba mukate ya watoto na tutupia na kutupia baimbo. Oui Seigneur, dit-elle. Mwanamke anasema ndio Bwana. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Kitu kimwami na yua ataba imbo banakulaka na kulia kwa tama nchengele kunanguka kumeza ya Bwana wabo. Alors Jésus lui dit. Yesu arasema. Femme, ta foi est grande. Mwanamke imani yako iko mkubwa. Qu'il te soit fait comme tu veux. Kumbi kutendeke vile unapenda. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Baka mwile sa, mtoto wake anapona. Amen. Alléluia. Amen. Muwepo wa Bwana bendake mna orgueil. Dans la présence de Dieu, on n'entre pas avec orgueil, non. Huyu mwanamke, cette femme, alikuwa ni nje ni mtu wa nje ya taifa ya Israeli. Elle était une femme qui était hors de la tribu de d'Israël. Ana pata révélation. Elle a reçu la révélation. Yasema magonjwa ya huyu mtoto yangu. De voir que la maladie de mon fille. Pour que ça puisse se terminer. Mtoto wangu apate matunzo. Que ma fille recouvre la guérison. Yes. Il faut que j'aille chez Jésus. Pale anafika kwa Yesu. Quand elle est arrivée chez Jésus. Anaanza kumlalamikia. Elle commence à crier. Bwana mwana wa Daudi. Seigneur fils de David. Aie pitié de moi. Yesu alishimujibu ki? Jésus ne lui a pas répondu. Muroya huyu mwanamke mkomentari Abraham. Dans le cœur de cette femme, dans le commentaire de Abraham, disait, banafunzi bake. Si je disais ses disciples. Pengine boba tamwambia kumumsemeo mzuri jua nishikie. Peut-être eux vont lui dire dans un bon langage il va mawazo. Dans ses pensées. Banafunzi banamwambia Yesu asema umufukushe huyu mwanamke. Ses disciples ont dit chasse cette femme. Mwinje ya imani amuna miza. Dans cette marche de la foi, il n'y a pas de blanc. Dans cette voie de la de foi, il n'y a pas de blanc. Nous ne sommes pas venus pour être riches. Nous avons cru pour aller voir le ciel. Si nous avons cru pour aller voir le ciel, tous nous avons même si j'ai perdu quelqu'un, je suis tout le temps que le ciel est visible chez moi, je ne peux pas me fatiguer. La femme a dit non. Je suis venu suivre la guérison de ma fille. Même si les disciples disaient à Jésus de me chasser, quand elle ne m'a pas encore répondu, je ne peux pas l'abandonner. Et elle dit encore, Jésus aide-moi. Jésus s'est arrêté. Elle a dit non. Il n'est pas convaincu de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. C'est un langage très dur. C'est très dur. Nyanguvu kabisa. Je ne pense pas que si toi, ma soeur, si tu vois la maladie de ton fille, tu viens avec cette maladie chez le pasteur. Ma fille est malade. Je viens avec des prières pour elle. Je ne prie pas pour ces gens. Dans l'église, il y a des gens qui prient. Tu peux déménager. Tu verras que ça, c'est de l'orgueil de haut niveau. Alléluia. Amen. Mais cette femme a dit non. Seigneur, je sais cela bien. Même les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Que cela te soit fait selon ce que tu veux. Et à ce moment même, la guérison de sa foi a été vue. Nous aussi, l'église, nous sommes une femme devant Dieu. Alléluia. Amen. Le frère Ram dans ses commentaires dit, il faut savoir comment aller dans la présence de Dieu et d'attendre que Dieu fasse de toi ce que lui veut. Si tu veux bien marcher, il faut que la foi voie notre foi au lieu de l'évangile. Jésus a dit, toi femme, ta foi est grande. Il faut que Dieu lui-même dise que il ne faut pas te dire enfant de Dieu si le ciel n'a pas encore déclaré cela. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Vivons notre vie après notre rencontre avec Dieu. La vie qui peut témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Et si Dieu veut regarder les enfants de Dieu dans ce monde, il commence à se voir lui-même dans notre vie. Parce que nous le représentons dans ce monde. Les gens doivent voir Christ dans notre vie. Si le monde veut voir Dieu, que les gens nous regardent nous. Et même quand Dieu nous regarde, il se voit lui-même dans notre vie. C'est ce qui est digne. Il est allié. Tout cet état-là. Il va se retrouver chez ceux qui se rencontrent avec Dieu ou chez ses frères qui étaient dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aller dans l'église. Même si tu es pas dans l'église à cause de quelqu'un d'autre. Je vais au tabernacle. Parce que j'ai épousé une sœur de tabernacle. Quand j'étais chez mon frère, il m'avait obligé de prier dans le tabernacle. Et quand j'allais là-bas, je m'étais habitué à cette église. Et j'ai échoué de sortir. Nous les enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, on n'y entre pas. Nous les enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, nous nous innocents. Si nous naissons, nous devrons être enfants de Dieu. Même si Satan nous visite avec des troubles dans l'église, nous ne pouvons pas sortir. Même si je perdais un de mes membres, même si les choses de ce monde m'échappaient, je ne peux pas mélanger les choses de ce monde avec les choses de l'autre chose. L'année passée, j'avais eu un dossier très compliqué. J'allais au champ avec ma moto. Une femme, avant de traverser la route, je l'ai cogné, elle était morte sur le champ. Le problème a commencé. Je suis dans les mains de l'État. J'ai pas. Quand le problème était terminé, mon frère de Moura était venu. Je suis venu avec un médicament pour t'arranger afin que tu puisses plus voir cette table. Je suis venu avec ce médicament pour te sentir. J'ai beaucoup de regrets parce que je n'ai jamais vu cette maman. Moi, je vais lui amener ce médicament. Il va m'aider afin que je puisse la voir afin de la gronder. Moi, je ne peux pas craindre un fantôme. Je ne peux pas mélanger mon Dieu avec d'autres. Avec des histoires qui sont viles. Moi, je vais voir cette maman et lui dire que tu as fait quelque chose de très mauvais. Je ne l'ai jamais vu. Je suis en sécurité de Dieu. Je ne peux pas mélanger Dieu avec d'autres choses. À moins que si je ne m'étais pas rencontré avec Dieu, mais si tu étais rencontré avec Dieu, même si le problème devenait très compliqué, tu continueras à pressentir sa présence. Que Dieu nous bénisse. Je te supplie, ma soeur. Je te supplie, mon frère. Commençons à pressentir la présence de Dieu. Et si nous arrivons, moi, pour Amungu, ayons les yeux pour voir, Maman, parce que. afin que nous soyons prêts d'arranger dans nos fautes. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Juu ya leo wakati yetu inaenea. Pour aujourd'hui notre temps est arrivé terme. Mungu kama tena Mungu anapenda. Si Dieu voulant dimanche on va se rencontrer. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse.